Le 16, le journal coréen Rodong Sinmun a rédigé un éditorial consacré au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, sous le titre « Réalisons à merveille l'œuvre d'édification d'une puissance socialiste du grand général Kim Jong-il ».